James Morrison avec le titre You Give Me Something sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 13 août 1955, naissance de Paul Greengrass, réalisateur britannique à qui l'on doit La mort dans la peau, La vengeance dans la peau et Jason Bourne. 1978, naissance de Boudère, humoriste, acteur franco-marocain, vu dans Neuilly sa mère, Halal, police d'état, Beurre sur la ville, Pattaya, Neuilly sa mère ou encore Halal 2. 1982, naissance de Sébastien Stan, acteur roumain vu dans Black Swan, Seul sur Mars, et connu pour son rôle de James Barnes, alias Bucky, alias le loup blanc, dans Captain America First Avenger, Captain America le soldat de l'hiver, Captain America Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et vu à la télévision également dans la série Gossip Girl dans 11 épisodes dans le rôle de Carter Bazin, ou encore 6 épisodes de la série Once Upon a Time dans le rôle du chapelier fou alias Jefferson. 1984, naissance de James Morrison, chanteur britannique. 1986, naissance d'Elodie Thomas, ancienne footballeuse française ayant fait carrière de 2003 à 2018 en jouant à Clairefontaine, à Montpellier et à l'Olympique Lyonnais, club avec lequel elle a d'ailleurs remporté à 11 reprises le championnat de France, 7 fois la Coupe de France et 5 fois la Ligue des Champions. 1990, naissance de Yenia Grebennikov, volleyeur franco-russe, professionnel depuis 2008 et qui joue depuis 2018 en Italie pour le club de Trentino Volley et en équipe de France. À noter qu'il a remporté la Ligue mondiale en 2015 et 2017. 1992, naissance de Lucas Moura, footballeur brésilien qui de 2010 à 2013 a joué à Sao Paulo FC, de 2013 à 2018 au Paris Saint-Germain et depuis 2018 il joue à Tottenham. 1994, naissance de Steven Moreira, footballeur franco-capverdien qui de 2013 à 2016 a joué au Stade Rennais, de 2016 à 2018 à Lorient et depuis 2018 il joue à Toulouse. 1995, naissance de Presnel Kimpembe, je vais y arriver, footballeur français qui depuis 2014 joue au Paris Saint-Germain et champion du monde 2018, on s'en souvient. En 1863, décédé Eugène Delacroix, peintre français considéré comme le principal représentant du romantisme. Et en 1998, décédé Nino Ferrer, chanteur et compositeur français qu'on écoute tout de suite avec le titre « Le Sud ». C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement une million d'années et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement une million d'années et toujours en été. Thank you. faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. En été, le Sud, Nino Ferrer sur le 107 FM. Un peu plus de 8h43 et il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Alors, encore aujourd'hui, ce sera des nuages avec tout de même un petit peu de soleil. Des températures pas franchement estivales, hein. On est entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 18 et 20 degrés pour cet après-midi. Mercredi, cela devrait être une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, il va faire froid, et entre 20 et 22 degrés prévus pour demain après-midi. Jeudi, journée mitigée, alternance d'éclaircies et de pluie. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin et entre 18 et 20 degrés prévus pour jeudi après-midi. Tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Alors, pour commencer cette actualité sportive, on va parler bien évidemment tennis avec le tournoi de Cincinnati où c'était le retour en simple d'Andy Murray. Il affrontait Richard Gasquet. Victoire du Français en 2-7, 6-4, 6-4. Andy Murray, après sa défaite, il a d'ailleurs déclaré en conférence de presse qu'il renonçait à une wild card pour l'US Open en simple. Andy Murray sera bien présent pour le dernier grand chelem de l'année, mais en double et en double mixte. Pour les autres Français, Manarino s'est qualifié en 2-7 face à Garin, 6-4, 6-1. Lucas Pouille s'est qualifié en 2-7 face à Kudla, 6-3, 7-6. En revanche, Pierre-Hugues Herbert s'est incliné en 2-7 face à Sam Querrey, 7-6, 7-6. Et Gilles Simon s'est incliné en 2-7 face à Carreño Busta, 7-5, 7-6. Marin Cilic a été éliminé en 2-7 et a noté que le match de Coric a été suspendu. Il reprendra aujourd'hui. Et aujourd'hui, on pourra suivre Gaël Monfils face à Tiafoe, Benoît Paire opposé à Verdasco. Il y aura également Dimitrov face à Stan Wawrinka, Novak Djokovic opposé à Querrey, Federer à Londero, Isner à Carreño Busta et il y aura également Goffin, Shapovalov, Medvedev, Bautista Agut ou encore Basila Jvili. Côté féminin, il y avait une Française dans le tournoi. Et bien malheureusement, elle est passée à la trappe hier. Élimination de Caroline Garcia en 2-7 face à Świątek, 7-6, 6-1. Venus Williams s'est qualifiée en 2-7, tout comme Sabalenka. Et Konta et Sevastova ont toutes deux été éliminées en 3-7. Aujourd'hui, Venus Williams affrontera Bertens, Serena Williams sera opposée à Diaz, Bencic affrontera Azarenka, Keys sera opposée à Muguruza, Kvitova à Sakkari et Kerber à Kontaveit. Un mot de football, Adil Rami n'est plus joueur de l'Olympique de Marseille. Et c'est la Coupe de la Ligue ce soir avec le match Caen-Nancy. Et dernière information, en hockey sur glace, dernière arrivée dans l'effectif spinalien, il s'agit d'un Slovaque, Nicolas Gaspard. Donc il va vraiment falloir que je me mette au Slovaque pour la saison à venir. Allez, c'est tout pour l'actu sportive d'aujourd'hui. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Tube de l'été 2000 aujourd'hui. King Africa et le titre, c'était Bomba. Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para mediar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así. Así. Así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. arriba. ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sexy mami. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan. Bomba. Todos los hombres. Bomba, King Africa, tube de l'été 2000 sur RGM. Il est presque 8h50, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Et oui, déjà. Mais avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Prochain rendez-vous à 13h30 avec la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. 15h, la rediffusion de Memento Mori. 17h, Kaizen, consacré à Georges et Nolwenn. 20h, La parole est à vous avec Michel. 22h, J'aime et je vous le lis avec Dominique. Et 23h, 20 Flight Rock. Nous, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.